Bonjour et bienvenue sur le podcast du Mérovingien où on décrypte la cybersécurité. Aujourd'hui, on va parler de voitures connectées. Les automobilistes moscovites ont dû être surpris la semaine dernière en se connectant au service de trafic routier Yandex Trafic, équivalent local de Google Maps ou Waze. En effet, suite à une attaque de spoofing, c'est de l'usurpation de l'IP, de fausses données GPS de circulation ont été envoyés en masse. Résultat, dysfonctionnement global ayant généré l'affichage de gigantesques faux bouchons pouvant décourager plus d'un de prendre sa voiture, ou ayant permis aussi de cacher certaines positions de certaines personnes. Au moment où vous arrivez chez vous, vous garez votre voiture dans une ruelle et la fermez à clé, à distance, comme d'habitude. Mais attention, ce signal pourrait être intercepté. Dans le futur, vous serez sur l'autoroute à pleine vitesse et vous serez pris en otage à distance avec une demande de rançon si vous voulez retrouver le contrôle de votre véhicule. Qu'est-ce qu'ont en commun ces trois situations? C'est la voiture connectée et toutes les nouvelles connexions que nous lui ajoutons pour plus de services et que nous aurons dans quelques années. La voiture est un objet important du quotidien, mais il est assez dangereux. En 2019, plus de 3000 personnes sont mortes sur la route. Il y a aussi les vols de voitures. 140 000 vols en 2019, dont 86 000 avec violence ou armes. Et la voiture la plus volée est la Renault Clio 4, car on peut la démarrer avec une carte main libre. Il y a aussi des histoires de taxis qui vous volent des données lorsque vous branchez votre téléphone avec son chargeur. Si on regarde un peu les tendances de l'industrie, on va vers plus de données, plus de services. Alors les buts, c'est la sécurité, la cartographie où vous vous déplacez avec votre voiture, l'atténuation des risques, la facilitation de la conduite et bien sûr la personnalisation. Tout ça sera rendu possible grâce à plus de connectivité, que ce soit avec la 5G, le Bluetooth, le cloud, les intelligences artificielles qui vont traiter toutes les images et toutes les données que vous leur enverrez, et notamment le traitement d'images. Selon le rapport Experience per Mile, d'ici 2030, 96% des nouveaux véhicules dans le monde seront dotés d'une connectivité intégrée. Donc ça multipliera par deux par rapport à aujourd'hui. Elles seront donc plus autonomes. 79% des nouveaux véhicules dans le monde auront une autonomie de niveau 2 ou plus, contre 45% aujourd'hui. Elles seront partagées. 26% des bénéfices de la mobilité donc, proviendront de nouvelles sources. Vous pourrez partager votre voiture. Et elles seront électriques. 24% des nouvelles voitures vendues seront électriques en 2030, contre 3% aujourd'hui. Alors ça, c'était pour vous donner un peu les tendances des futures voitures qui vont arriver et qu'on va utiliser. Alors, face au potentiel danger qui pourrait arriver si on ne connecte pas bien ou si on n'agit pas bien avec ces voitures, c'est pour avoir des accidents ou des vols, mais je vous propose deux actions. La première, c'est de mieux comprendre ce futur système et ses interfaces. On va essayer de s'imaginer de comment il marcherait. Et donc, si on le comprend mieux, on pourra mieux prendre le contrôle, on pourra mieux agir, mieux se protéger, comme d'habitude. Et ensuite, réduire la surface d'attaque. On va essayer de, après avoir imaginé et fait la carte de toutes les connexions possibles de cette voiture, eh bien, on va essayer de voir comment réduire la surface d'attaque. Alors d'abord, la voiture. Donc, si on refait rapidement l'histoire de la voiture, elle a été mécanique. Aujourd'hui, elle est électronique. On maîtrise beaucoup moins ce qui se passe dans la voiture. Il peut y avoir des bugs. C'est le constructeur qui maîtrise en fait. Et maintenant, elle va être numérique, voire informatique, comme toute l'industrie. Elle suit le même mouvement. Alors d'abord, on considère la voiture comme une boîte noire. On se pose ce qui se passe dedans et on va surtout regarder donc son environnement. Donc elle va interagir avec les autres voitures autour, plus tard. Elle va interagir bien, évidemment avec notre téléphone avec lequel on se balade tout le temps. Elle va interagir avec la signalisation autour, essayer de voir des indices ou de, voilà, de donner des priorités. Et elle va être reliée à Internet, parce qu'il va falloir la relier au constructeur, au signal GPS, aux réseaux sociaux. Il va y avoir aussi une interface avec la clé qu'on utilise pour l'ouvrir à distance et qu'on utilise pour démarrer. Donc toutes ces données vont être stockées dans des ordinateurs du constructeur bien au chaud. Et elle va capter aussi des images de la route pour pouvoir être autonome. Elle va utiliser le micro pour écouter les instructions du conducteur. Et bien sûr, les commandes du volant, des freins, comme une voiture classique. Donc ça, c'est on a fait voilà, un peu la carte de la boîte noire de la voiture. Et donc, pour donner aussi un exemple pour une entreprise, elle va avoir la vision d'une flotte de voitures, peut-être pour un opérateur de transport. Il va pouvoir suivre les positions GPS, mais pas que. Dans le futur, il y aura notamment des informations de la maintenance pour anticiper les pannes ou les usures. Pourra aussi gérer les itinéraires de manière plus optimisée, plus temps réel, pour optimiser les livraisons. Donc si une personne malveillante, elle veut interagir avec la voiture, elle va avoir plusieurs accès techniques, plusieurs portes, si on a bien écouté. Alors, il y a l'accès courte distance et l'accès longue distance. Un accès courte distance, ce serait par Bluetooth, par la clé notamment, qu'on utilise pour l'ouvrir. Un accès, ce serait aussi les systèmes de signalisation de la ville. S'ils ne sont pas bien sécurisés, ben on pourra agir sur toutes les voitures qui interagiront avec ce système. Ben, les autres voitures autour, peut-être la voiture à côté de vous va essayer de vous attaquer par de l'informatique, par du sans fil. Le téléphone de la personne, parce qu'il n'est peut-être pas très bien protégé, il reçoit des virus, il reçoit des mails, il reçoit des SMS. Donc là, ça peut être une bonne porte d'entrée pour l'attaquant. Et ensuite, le téléphone, il est à courte distance, puisqu'il est dans la voiture. Les images de la route et le micro, ça peut être aussi brouillé, ça peut être changé, voilà, pour donner des faux ordres à la voiture et lui faire croire qu'elle est à un endroit ou lui donner des faux ordres. Donc ça, c'est pour les accès courte distance. Si on regarde les accès longue distance, potentiellement par Internet, si c'est mal configuré, ça serait accessible n'importe où et n'importe quand. Donc il y a les sites Internet à laquelle la voiture se connecte. Il y a le constructeur, si jamais il est attaqué, ben, ça peut rebondir sur vous. Et si ça se trouve aussi, il y a une interface directement à distance de contrôle de la voiture par la 5G. Qui sait? Avant de me demander comment réduire la surface d'attaque, ce que je vous propose, c'est de voir les motivations des attaquants. Parce que après tout, pourquoi on s'embêterait à la protéger Qui est-ce qui voudrait la pirater? Enfin, franchement, on la connecte, ça nous apporte plein de bénéfices. On gagne du temps, de l'argent, du divertissement. Enfin, franchement, quel est le mal? Eh bien, on va reprendre les principales motivations des attaquants. Donc, l'argent, c'est une grande motivation hein, pour la criminalité. Donc, l'attaque typique, ce serait un rançonnage. On vous chiffre les données, on vous les rend que si vous payez la rançon. C'est une attaque typique dans les entreprises aujourd'hui. Le pire scénario qu'on pourrait imaginer, ce serait que on vous demande une rançon lorsque vous êtes sur l'autoroute et on vous redonne le contrôle de la voiture que si vous payez. Donc là, vous êtes totalement à la merci de l'attaquant. Et la motivation de l'attaquant, c'est l'argent. Un terroriste, lui, il va vouloir tuer des personnes. Donc prendre le contrôle de la voiture, ce serait vraiment pour tuer des personnes. Un criminel qui veut tuer aussi des personnes. Alors par exemple, dans la série Unité 42, où là, il y a une police belge qui enquête sur les hackers, il y a un cas où une personne effectue son crime, met la personne dans la voiture autonome, et il envoie donc la voiture autonome partir très loin pour s'écraser très très loin. Donc voilà, la voiture, ça peut être un moyen pour le criminel de tuer quelqu'un ou de cacher son meurtre. Rebondir vers un autre système. Donc là, je pense surtout à un épisode de Mister Robot. Donc Mister Robot, il hack le PC d'un policier. Le policier est dans sa voiture de police et il a son PC dans la voiture qui est connecté. Et donc le Mister Robot, grâce au sans-fil, il va pouvoir attaquer le PC du policier Et en fait, ce PC, il est connecté au système central de la police. Et dans le système central de la police, il y a notamment la prison. Donc voilà, vous voyez, il y a le PC dans la voiture, le système central de la police, et donc le but de Mr. Robot, c'est d'ouvrir une prison grâce à ça. Donc plus vous connectez votre voiture et vos systèmes à d'autres systèmes, et bien plus ça va ouvrir des portes pour d'autres systèmes auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc les conseils, ben, tout d'abord en cybersécurité, le principe de base, c'est de fermer toutes les portes pour lesquelles on. Toutes les portes dont on n'a pas besoin en fait. C'est comme une maison. Vous avez une maison avec des portes, des fenêtres. Ben, si vous faites rien, tout est grand ouvert et les attaquants peuvent rentrer comme ça. Ben, déjà, avant de devoir mettre des loquets partout, se barricader, il faut déjà avoir conscience de toutes les portes qui existent. Vous savez, cette porte du garage qu'on a oublié de fermer ou qui est bien cachée, mais qui est très accessible. Donc une fois qu'on a décidé lesquelles on veut vraiment utiliser, parce que bah, y en a une, on a besoin de rentrer le soir, donc on a besoin beaucoup de cette porte, eh bien, on va décider donc que cette porte est très utile, on va la garder, puis les autres, on va peut-être en condamner, parce qu'elles sont inutiles, donc on condamne celles qui sont inutiles, on condamne les interfaces qui sont inutiles de la voiture. Une fois qu'on a gardé que celles qui étaient utiles, il va falloir regarder celles qui ont le plus d'impact. Bah par exemple, si vous perdez le service météo ou le service YouTube de la voiture, bah, c'est pas très critique. Enfin, vous allez vous en remettre. Par contre, si vous perdez le contrôle de la voiture, eh bien là, ça peut poser des pertes humaines. Donc, faire la liste, voilà, des portes, des interfaces, pour savoir à quel point on est exposé, condamner celles qui servent à rien, celles qui servent à rien, et bah, bétonner, prioriser. Vraiment, regardez bien celles qui sont très critiques, qui peuvent causer voilà, des pertes humaines ou des pertes d'argent. Et ça vaut pour tous les systèmes. Voilà, bonne soirée.